so chadous et plaintif sera mi-blotte faite en vie. S'il te plaît l'avoir pour captif, j'irai te le chercher s'il vit. Le prisonnier que tu reçois.